Vous avez le projet de lancer une entreprise, d'acquérir une compagnie ou encore de développer votre entreprise? La SADC Maria Chapdelaine est présente malgré la crise de la COVID-19. Notre équipe peut valider une occasion d'affaires, rechercher du financement d'entreprise ou même participer financièrement dans certains cas. Contactez-nous au 88-276-0405 ou le sadcmaria.qc.ca. La SADC Maria Chapdelaine est fière de souligner l'importance de la forêt pour la région dans le cadre du mois de l'arbre et de la forêt. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. De cyclistes, la Véloroute des Bleuets, ben, c'est débuté, hein? Ça ouvrait le 15 mai. On va savoir un peu quelles sont les nouveautés cette année, comment on entend le monde. On parle avec Michel Chesson. Salut Michel! Salut Dani, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Michel, une autre année qui est commencée, ça a commencé tout le 15 mai, parce que la neige a été long à fond. C'est toujours pas mal le 15 mai que ça a commencé? Oui, ben ça, c'est les dates qui sont là depuis l'ouverture okay. de la Véloroute. Je pense que c'est du 15 mai ou 15 octobre à toutes les années. On attendait ça pour quoi? On attendait ça pour... c'est pas mal officiel. On attend que la neige fond puis pour pas avoir de problème, c'est ça? Ben, c'est ça. C'est des dates qui avaient été prévues parce que normalement, le 15 mai, c'est pas mal tout fondu. Pour pas qu'il y ait, pour pas que les municipalités aient à souffler de la neige ou à faire d'autres travaux qui n'auraient pas besoin de faire en temps normal. Okay. Donc, on veut y aller avec la température de la saison ici. À quoi s'attendre pour cette année pour la Véloroute des Bleus? Est-ce qu'il y a d'abord des nouveautés? Ben, il va y avoir des nouveautés, peut-être pas beaucoup de nouveautés, mais il y en a une nouveauté surtout à Saint-Gédéon. Les autres, c'est plus des travaux qui sont en cours durant l'année, qui vont se compléter d'ici 2023, probablement fin 2023, début de 2024. Okay. On a une portion à Péribonka. De Péribonka à Sainte-Geneviève, qui devrait être. Les travaux devraient se faire commencer à l'automne. Après ça, il y a un autre travail à Sainte-Monique, qui parce qu'on a eu des tours depuis à peu près 4 ans. Mais là, il devrait y avoir une partie qui va être faite. Les travaux devraient débuter aussi durant l'année, d'ici à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. La même chose à Crambord, il y a une autre section à Crambord que les travaux. Ils sont commencés, il y a des travaux qui sont commencés, fait que ça va continuer à se développer. Donc, dans notre coin, c'est plus Péribonka, c'est plus que Péribonka, puis Saint-Monique, ça fait pas vraiment partie de notre coin, là, mais c'est quand même pas loin. Là. Non. Fait que c'est plus côté Péribonka, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ça. Dans la MRC Major-Capitaine, c'est Péribonka. OK. Péribonka à la Sainte-Geneviève. Après ça, il va y avoir une réflexion d'un petit ponceau à Missassini, mais ça, c'est minime. Là. Okay. Et c'est ça. La saison, on s'attend quand même à une bonne saison. Ça fait 2 années qu'on bat des records. L'année passée, on a eu au-dessus de 300 000 utilisateurs. Fait que cette année, on aimerait ça avoir dans les mêmes chiffres. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire que les frontières sont ouvertes, le monde va aller à l'extérieur. Il y aura des Français qui vont venir aussi. C'est ça. Fait que ça va compenser un peu là, c'est ceux de l'extérieur qui vont venir chez nous. Fait que on se prépare pour une belle année encore cette année. Est-ce qu'il y a déjà des Français qui ont manifesté? Vous voyez les réservations, vous voyez certainement des gens qui prennent l'information. Est-ce que ça a été fait? Pas mal, les Français, les Américains, beaucoup de gens de Montréal, ils venaient les autres années. Là. Ben là, je peux pas dire moi personnellement, mais je sais que j'ai été moi au salon du vélo pour la Véloroute à Montréal il y a 3 semaines et il y a 2 semaines à Québec. Et je peux dire que l'engouement du monde de l'extérieur, là, Montréal, tu sais, même en dehors de Montréal, de l'Ontario, ces choses-là, l'engouement est là encore cette année. Puis du côté des Français, je sais qu'il y en a eu qui ont déjà communiqué avec la Véloroute pour les réservations de navettes de bagages qu'on a. Fait que ça commence déjà, oui, il y a des campings qui affichent pratiquement complet déjà pour le mois de juillet, pour le mois d'août. Mmh. Fait que si vous voulez le faire cette année, là, réservez vos dates tout de suite. OK. D'autres du côté, il va y avoir également, je pense, les tirages à l'automne. Comment ça va du côté finance aussi? J'avais fait un article en février avec toi là-dessus, là, puis ça allait plus ou moins correct. Est-ce que ça se replace un peu? Non, ben, on peut pas dire que ça va mal. Les finances sont bonnes. C'est parce que il y avait un surplus accumulé qui était qu'on avait le mandat de descendre le surplus accumulé pour pas qu'il soit trop gros non plus. Parce qu'on est un OBNL, donc faut pas marcher avec des... Mais là, ça fait 2 ans qu'on a baissé le surplus accumulé. Et là, ben, si on veut garder les mêmes services, les mêmes priorités qu'avoir la véloroute encore reconnue comme une des plus belles pistes cyclables qu'on a au Québec, ben, faut avoir trouvé peut-être des moyens de financer qui va compenser ce qu'on a pris dans les surplus accumulés. Avez-vous commencé à penser à ça? Oui, on a commencé à travailler là-dessus. On va présenter, la véloroute, elle va présenter un plan au MRC, au MRC mandataire, d'ici à l'automne. Fait que, okay. Alors, on travaille déjà là-dessus. On n'arrêtera pas, puis on va s'occuper pour que ça soit, que ça garde les bonnes cotes. Il faut être coté en un partout encore. Ben oui, c'est ça. Parce que avec les petits trains du Nord, vous êtes pas mal des meilleurs, hein, les deux ensemble. Là. Ben oui, on est des meilleurs, puis on est, comme on dit, la référence. Mm. Quand il y a d'autres régions qui veulent développer, ben, ils communiquent avec la Véloroute des Bleuets parce qu'ils veulent savoir comment on a procédé, puis c'est quoi qu'on fait pour réussir. Parce qu'on a quand même 16 municipalités impliquées. Okay. C'est beaucoup de concertation qu'il faut faire entre les municipalités pour que tout le monde ait la satisfaction de tout le monde. Fait que nos élus travaillent fort, puis on travaille fort avec eux autres. OK. Ben, on va Michel, on va te donner la meilleure des chances, puis au plaisir de se parler. Ben, merci beaucoup, puis bonne saison à tout le monde pour en vélo en 2022. Ben voilà, donc c'était Michel Chiasson qui nous parlait de la nouvelle saison de la Véloroute des